On va parler de patinage de vitesse sur courte piste avec notre ami David Simard. Salut David! Salut, ça va bien? Ça va bien, David. Effectivement, j'ai repris mes bonnes habitudes. Hein. Ouais, J'attends des effectivement, félicit... t'as bien vu. J'attends des félicitations d'ailleurs des gens qui m'ont critiqué. Fait que, pas critiquer, mais juste passer la remarque. C'était pas une critique, C'est bien, mais c'est passer bien. la remarque. Mais c'est sûr que ça nous tente moins un peu de parler de patinage à vitesse cette année avec Marianne Saint-Gelais, puis qui est plus là, puis Cassandra Mais qui en tout est. cas, Sandra, ben là, qui revient là, après Ouais, qui revient. les prochaines Coupes du Monde. Là, fait que Ouais. c'est quand même intéressant pour votre secteur. Fait que c'est bien. Ça Ouais, va bien. effectivement. Là, il y avait une compétition en fin de semaine, mais ceux-là qu'on suit, les Catherine Mailloux, les Karina Non. Momigny, ils n'étaient pas là, Un eux petit autres, peu hein? en dessous encore de ça. Non, c'est vraiment le niveau, dans le fond, avant c'est l'étape élite. OK. Donc, c'est au niveau provincial. Donc, ça regroupait les meilleurs patineurs de l'Est du Québec. Il y a deux secteurs. Puis, la division se rencontre vers la fin de l'année pour un championnat québécois. Fait OK. que, les deux divisions. Fait que ça. De notre secteur, ça a bien été? Est-ce que ça a quand même été pas pire? Oui. Ben, si on commence par Alma, j'ai eu de très bons résultats. C'est mes filles un petit peu plus vieilles, plus d'expérience. Groupe 1 masculin féminin, on a eu Léa Tremblay avec une troisième position dans le groupe 1. Ouais. Ça, c'est très bien. C'est une petite fille qui va quand même pousser dans les prochaines années, là. Fait que j'ai hâte de voir. Et ensuite, on a Annaëlle Lapointe, une de ses collègues un petit peu plus jeune, 13 ans, groupe 2, est arrivée troisième. Donc, là, c'est une belle progression pour elle. Et une Ouais. nouvelle qui est Léa Morel, même âge environ, qui est arrivée quatrième du groupe 3. Donc, on a quand même dans la région, c'est les seules filles qui sont dans ce secteur, au lac Saint-Jean, si on pourrait dire, au complet. Ouais. Les autres, ça tombe au niveau masculin dans cette catégorie-là. Les filles sont un petit peu plus élites pour nos filles du lac, comme on connaît déjà, qu'on aime Ben, souvent. j'aimerais Fait ça que, qu'on liquide le haut du lac, puis après ça, que tu nous parles c'est du ça, Saguenay. c'est en plein ça. Ouais. Ben, on va parler plus du lac. Je voulais parler un Ouais. peu des filles d'Alma, mais OK. on va parler du lac à partir de maintenant. Là, j'ai sorti les résultats juste des personnes un peu. Saint-Félicien-d'Olbeau, on avait quatre patineurs à ce qui représentait, dont Alexandre Simard, donc un des bons patineurs présentement qui est dans la prochaine génération. Jeune patineur qui est très bien fait. En fait, on a trois patineurs qui montaient de groupe de la région, dont lui. Ils sont arrivés 9, 10, 11. Donc, en entraînement, ils sont souvent ensemble. C'est ce qui est drôle. Ils sont arrivés ensemble en compétition. Puis eux, il fallait leur mission, c'est de rester un peu dans le groupe 1. Ils venaient de monter du groupe 2 au groupe 1. Donc, leur mission, c'est de rester là. Ils ont réussi. Donc, Alexandre est arrivé 11e. C'est une catégorie qui brasse un petit peu plus le groupe 1. Donc, c'est vraiment des gars qui sont prêts à être élites, mais qui attendent un peu leur place. Ouais. C'est pas au niveau des temps et des performances. C'est les suivants, mais ils performent quand même bien quand ils performent contre les meilleurs. Fait que cette intéressant de les voir, étaient un petit peu stressés au départ, mais ils ont bien repris leur compétition. Donc, groupe 1 masculin, Alexandre Simard, 11e. On a un plus jeune un petit peu, Louis Moisan, de Saint-Félicien OK. aussi, qui a une petite motivation l'année passée, mais là, cette année, depuis qu'il est au centre, on voit déjà une amélioration avec Louis, son entraîneur. Il coach avec moi là, souvent à Louis, l'entraîneur de Saint-Félicien, mardi. Et on voit une grosse amélioration de lui. Il est arrivé troisième du groupe 3, ce qui est très bon. Donc, ça va lui permettre de quand même graduer vers le niveau 2. Fait que pour moi, je trouve que c'est quand même une belle performance pour lui. J'aimerais bien impressionner. C'est un petit patineur de petit gabarit. Il n'est pas encore, tu sais, à cet âge-là, souvent entre 13 et 15 ans, là, on a des grandeurs différentes, mais lui, c'est un petit gabarit à ce niveau-là. Fait que pour moi, c'est très bien. C'est bien débrouillé malgré lui. OK. Ensuite, on s'en va vers le groupe 4. Un groupe un petit peu plus loin, mais on a des jeunes patineurs. Un qui est plus, qui s'en viennent. Un 15 ans qui est peut-être commencé un petit peu plus tard, le patin. Donc, Jean-Christophe de Saint-Félicien, qui est arrivé 20e dans le groupe 4. C'est une première expérience pour lui. Il n'y a pas beaucoup d'expérience. On voit que Ouais. ça va venir. L'année prochaine, d'après moi, on va avoir des bonnes performances pour lui. Il va avoir augmenté. Et on a David Bouchard qui, lui, vient de débloquer. Encore un autre petit gabarit comme Louis Moisan. Il patine de l'beau. Lui, en plus, ce qui est impressionnant, c'est qu'il patine tout seul. Des fois, Maude Tremblay, qui est en soins infirmiers au Saint-Félicien, mon ancienne patineuse élite nationale, ben, elle va l'aider un petit peu à patiner, mais il est tout seul dans sa catégorie. Fait qu'il va patiner à Saint-Félicien, il voyage un petit peu, mais c'est impressionnant pour, malgré tout, il réussit quand même à être une 17e position dans le groupe 4. Puis, ben, au niveau technique, il est très bon. Il a déjà commencé certainement. Fait que moi, je pense que quand il va avoir son pic de croissance, là, ça va être payant pour lui. Fait que dans vraiment dans un an ou deux, on va avoir des nouveaux patineurs qu'on va avoir des nouveaux noms. Là. Petit Bouchard, Petit Moisan, Petit Simard, là, je pense que c'est trois personnes qu'on peut avoir là, dans les prochaines années. OK, Donc, ils ont une OK. très bonne performance pour eux quand même. Du côté du Saguenay maintenant. Ben, du côté de Saguenay, des grosses performances quand même aussi, sauf que c'est des Ouais. patineurs un petit peu plus actifs. on a un patineur qui était plus actif cette année parce que lui a eu la chance de participer avec ses temps au niveau national. Il a un Zach Dumont. Lui est arrivé premier du classement, donc lui, ça va lui permettre de monter. C'était une belle pratique pour lui parce que lui va participer aux qualifications nationales la semaine prochaine. Donc, c'est un des seuls du provincial qui pouvait le faire. Puis, après ça, il va peut-être pouvoir faire les sélections juniors pour notre sélection junior qui est après ça en mars. En mars, c'est ça. Okay. On a eu après ça son frère jumeau. En fait, qui est Alexandre Dumont. Ouais. Il est arrivé dixième, juste devant dans le Wu Moisan. Mais c'est comme je vous dis, c'est quatre patineurs qui patinent très bien ensemble et qui s'entraînent bien. Fait que, pas une différence de force à ce niveau-là, je vous dirais. C'est juste que l'expérience de course ressort un petit peu plus. Et on a aussi un autre patineur qui s'appelle Jesse Guérin. Donc lui, un jeune patineur aussi qui est arrivé neuvième, donc une meilleure performance un petit peu. Mais c'est une question d'une course qui est dans une course meilleure qu'une autre ou une qualification. Fait que ça a quand même bien été. Au niveau féminin, ben, on a les petites filles d'Alma qui est très bien été aussi. On a eu d'autres là, dans le Saguenay, mais bon, je vais t'épargner de tous les classements. Je t'ai dit les majeurs, ça va être bien parfait. Là. Okay. Mais je pense que c'est la première fois en plus dans l'année moi, que je voyais ce système de compétition-là. Je le vois une fois par année, c'est quand il vient au Saguenay. Okay. Moi, ça me permet de voir un peu la détection de talent à long terme. Vu que moi, puis c'est-tu pas payé? Y a-tu de la relève? Oui, on a quand même une relève. Ouais. Je vous dirais, dans le haut du lac, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est du côté féminin. Oui. Je trouve, malgré qu'on a eu des beaux visages féminins, puis c'était un sport quand même accessible pour les filles dans votre secteur, je trouve que c'est un petit peu décevant. De le beau, ça commence à remonter quand même. Là. Je pense qu'on faut un bon recrutement à ce niveau-là. C'est cyclique. Puis tu sais, c'est cyclique, mais je vous dirais que les patineurs du lac, traditionnellement, ils ont quand même, surtout les filles, je trouve qu'il y a un gros caractère que j'aime voir, je sais, puis même l'équipe nationale, fait que je sais pas ce qui se passe dans notre région, même les filles aussi du Saguenay, là, mais je trouve que c'est un sport qui pourrait être pour eux autres, là. C'est un caractère qu'il faut quand même un fonceur. Mm-hmm. On l'a quand même dans notre région, ce petit côté-là, fait que je pense que ça pourrait être intéressant à long terme. Au niveau masculin, je pense que ça va quand même bien, là, à ce niveau-là. Souvent, les petits gars, ben là, ils veulent pas faire du hockey, ben on va aller faire du patinage de vitesse, fait que c'est quand même un sport que, c'est avant, on disait, ouais, c'est patinage de vitesse, mais là, de plus en plus, ça devient comme un autre sport. Là. Mais on a quand même tellement de choix de sport aussi de nos jours que c'est ça. Fait qu'ils ont, je ne sais pas si ça a changé, mais à Saint-Félicien, quelque chose qui ne devait pas aider. Là. Je ne sais pas si ça a changé. Je n'ai pas parlé cette année avec la présidente. C'était les pratiques à 6 heures le matin. Ça, oui, je te dirais que oui, ça n'a pas aidé. Le matin, ça n'aide pas. Mais tu sais, si on regarde au hockey mineur, c'est un peu la même problématique là, à ce niveau-là. Fait que tu sais, c'est pas énorme. Tu sais, je pense pas que ça change parce que même au hockey, tu vois, une pratique à 6 heures le matin, où je regarde au Saguenay, ça arrive régulièrement. Des pratiques à 4 heures le soir, je vois aussi. Tu sais, c'est les disponibilités qu'on a. Une aréna dans la ville, tu sais, on peut pas inventer aussi les heures de glace. Tu sais, on est limité par ça. Fait que c'est un partage. Je pense que la ville est au courant. Puis, ça, je peux pas blâmer personne. Là. Je suis pas au courant du dossier nécessairement, comment que ça se réserve ces heures-là. Mais je pense que c'est un problème qui est dans toutes les villes. On prend les heures qu'on a, puis des fois, c'est des heures qu'on a une heure qui est moins bonne, mais l'autre sport, peut-être qu'on en aura aussi un autre. Ben oui, c'est ça. Prochaine compétition qu'on va surveiller, c'est quoi? Prochaine compétition, qualification nationale, je dirais, dans la fin de semaine prochaine. Okay. Vendredi à dimanche, donc une grosse compétition majeure à ce niveau-là. Les patineurs, dans le fond, c'est pour ça les sélectionner pour la plupart pour les sélections, soit les sélections seniors ou les sélections juniors. Donc, très important, avoir des Flavie, La Rochefoy, des Catherine Mailloux à ce niveau-là. Donc, quand même plusieurs patineurs. Fait que j'ai hâte de voir un autre. Moi, je parle qu'une délégation de 6 patineurs. J'en ai une en attente présentement du lac. Donc, on a quand même une grosse délégation, nous. Puis, on va aussi avoir d'autres patineurs là-bas là, qui patinent déjà dans leur secteur. OK. On s'en reparle bientôt, David. Merci beaucoup. Merci, notre collaborateur de patinage de vitesse sur Côte